La force de Coriolis, de Catel Guillou. Deuxième épisode. Ces Chinois savent y faire en matière d'hospitalité. On peut dire que j'ai été accueilli comme un roi. C'est de bon augure. Demain, ils me mangeront dans la main. Ils sont trop intelligents, trop malins pour ne pas comprendre les intérêts qu'ils peuvent trouver dans ce marché. Tu m'abandonnes. Une fois de plus. Je sais que c'est la seule, l'unique voie possible. Comment veux-tu que je lutte contre les démons de la nuit si tu me laisses seul encore dans cette maison vide? Ils sont là autour de moi. Ils me murmurent des choses à l'oreille. Ils me font voir ce que tous les écrans de tous les pays du monde ne montreront jamais. Comment avons-nous pu nous aveugler si longtemps? Parce qu'à l'instant même, la Terre s'arrêterait de tourner. Maintenant, tout va si vite. Et tomberait dans le néant. Bien trop vite, au regard du rythme pondéré et prudent de la science. Quand j'ai commencé mes études, on ne parlait même pas du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, tous ces jeunes qui n'ont plus pour seul horizon que la fin d'un monde. Depuis 20 ans que je tiens cette pension, j'en ai vu des touristes avides d'exotisme. Qu'elle ne soit pas totalement... Ceux qui réclamaient benoîtement des couronnes de fleurs à leur arrivée. Tous ces Européens en mal de rêve, venus chercher ici un reflet de leur paradis perdu. J'ai vu des archipels sidéraux. Mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un de plus seul ni de plus triste que ce garçon. Dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Qu'est-ce qui a bien pu remplir son cœur de tant d'amertume? Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles? Millions d'oiseaux d'or. Au futur vigueur. Grand soleil ce matin sur l'ensemble de l'archipel, puis le ciel devrait se couvrir à partir de la mi-journée. Température de saison. La tempête tropicale Tamara, joli nom Tamara, j'en profite pour saluer toutes les Tamaras qui nous écoutent, poursuit sa route vers l'est du Pacifique. Elle devrait contourner la Polynésie par le sud, mais quelques îles pourraient être légèrement touchées. Vous voulez vraiment partir demain? C'est ce que j'ai prévu. Vous feriez mieux d'attendre que ça soit passé. J'ai déjà essuyé des tempêtes, ça me fait pas peur. À mon avis, ce sera plus gros qu'une tempête. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez vu les sternes ce matin? Les sternes? Non, pourquoi? Et justement. Parce qu'ils ont mis les bouts. Quand je me suis levé, j'ai vu toute une volée qui mettait le cap au nord. Ils ne fuient pas comme ça pour un simple coup de vent. Peut-être qu'ils allaient simplement nicher ailleurs. C'est pas une question de peur. Pardon? C'est une question de bon sens. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer ici dans ce nouvel institut si prometteur. Alors même que la Chine s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec l'ouverture de son premier marché national du carbone. La Chine a connu ces 30 dernières années un développement et une croissance extraordinaires, tant par sa rapidité que par son efficacité. Malheureusement, cette croissance a eu pour revers de faire de la Chine le premier pays pollueur au monde, avec 25% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C'est grave. Mais si je suis ici, c'est pour vous dire que cela n'est pas irréversible. Nous savons tous désormais que la Terre est en danger du fait des multiples activités humaines qui exploitent ses ressources sans permettre de les renouveler. Or, la Terre est non seulement notre bien commun, la maison de l'humanité, mais elle est aussi un formidable réservoir économique, en tant qu'elle abrite un capital naturel inestimable. Ce capital naturel, Nous ne pouvons pas le gâcher. Nous avons le devoir de le préserver. Comment ? En lui donnant un prix. Il existe en Europe un proverbe qui dit « Les cyniques connaissent le prix de tout et la valeur de rien ». Vous savez qui a dit ça ? Oui ? Non ? Eh bien, je pense que c'est faux. La vérité, c'est que le prix fait la valeur. Aujourd'hui, connaître le prix de la nature, c'est lui reconnaître de la valeur. Et tant que nous lui donnerons pas un prix, la nature continuera à être pillée sans vergogne, jusqu'à épuisement de son capital. C'est pourquoi, à Easy Carbon, nous avons choisi d'optimiser le marché du carbone en l'intégrant aux différents mécanismes de développement propres, ayant pour but la préservation de l'environnement à travers le monde. Car c'est en travaillant main dans la main. Nous, les associations et organisations environnementales, et vous, les entreprises, que nous pourrons non seulement produire... Joël, t'es encore là ? Oh, salut Loïc, ça va ? Tu sais quelle heure il est ? J'avance sur la préparation de la mission. J'ai encore des demandes de financement à envoyer. Ça prend un temps fou, toute cette paperasse. Je sais bien, mais passer 23 heures, on n'est plus bon à rien, crois-moi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de reprendre ça demain. Demain, on a la réunion le matin. Et l'après-midi, je donne un cours. D'ailleurs, figure-toi que l'une de mes étudiantes, qui ne manque pas de culot, m'a demandé de l'intégrer à l'équipe. Elle m'a quasiment suppliée. Quelle année ? Première. Trop jeune. Elle a surtout l'air sacrément têtue. On n'est pas en Bretagne pour rien. Et ça, c'est la baie de Rio ? Quoi ? Ton fond d'écran, c'est Rio de Janeiro, ou je me trompe ? Non, c'est bien ça. C'est Mathias qui m'a envoyé cette photo. Il fait toujours son tour du monde ? Ça fait combien de temps qu'il est parti maintenant ? Ça fera un an le mois prochain. Tout se passe bien ? Je crois. J'espère. Pour tout te dire, il ne me donne pas beaucoup de nouvelles. Pourtant, avec tous les moyens qui existent aujourd'hui, on peut appeler de n'importe où. Même du fin fond de l'océan Austral. Mathias a toujours refusé d'avoir un téléphone portable. Alors Internet ou les liaisons satellites. Il pense que tout ça, ce sont des chaînes que nous nous mettons autour du cou. Que nous nous laissons aliéner par la technique. Enfin, tu le connais. N'empêche que s'il lui arrive un pépin en plein milieu de l'océan, il serait bien content d'avoir une radio balise à bord de son bateau pour qu'on le localise. Tu as raison. Je vais rentrer. Je suis épuisée. Excuse-moi, je disais pas ça pour t'inquiéter. Si au moins je pouvais suivre son parcours sur un planisphère. Imaginez les paysages qu'il traverse. Mais il ne veut même pas que l'on sache où il est. Le jour de son départ, il nous a fait promettre à son père et à moi de ne pas chercher à le contacter. Tu te rends compte ? Il nous a dit qu'il enverrait lui-même des nouvelles de temps en temps. Les dernières nouvelles, c'était cette photo de Rio, il y a 3 mois. Mathias a toujours été un peu sauvage, non ? Tu te souviens de la première fois où je l'ai pris avec nous ? La mission dans le golfe du Saint-Laurent. Évidemment que je m'en souviens. Il venait d'avoir 8 ans. Lui aussi, il m'avait supplié. Il avait tellement pleuré qu'à la fin, il n'avait même plus une seule larme à verser. Mais une fois sur le bateau, il semblait si heureux. Je te raccompagne ? Je te remercie, mais j'ai envie de faire un petit détour par le port avant de rentrer. Joël, t'es incorrigible. On ne peut mieux. Ils ont littéralement bu mes paroles. J'ai déjà 3 chefs d'entreprise prêts à nous acheter des actions carbone sur les forêts du Gabon pour se refaire une santé. Formidable ! Et tout un tas d'étudiants qui souhaiteraient faire un stage chez nous. Bah, dis-leur d'envoyer leur CV. C'est fait. Bien, je te parie que dans 1 an, ils auront dépassé tout le monde. Tu leur as aussi parlé des biobanques et des animaux menacés ? Pas encore. C'est peut-être un peu tôt pour ça. Avant de coter en bourse leur panda ou leur panthère des neiges... Laisse-les d'abord se familiariser avec le marché du carbone. Ils s'y feront vite, ne t'en fais pas. Mais je m'en fais pas. Tu rentres quand à San Francisco ? Pas tout de suite. J'ai encore 2 jours à Shanghai, puis je vais directement à Lima pour le congrès sur les énergies renouvelables. Ah oui, Lima, j'avais oublié. Et Shanghai, ça te plaît ? Tu sais, pour l'instant, j'en ai pas vu grand-chose à part le campus flambant neuf. Mais le directeur m'a collé une doctorante qui veut à tout prix me faire visiter la ville demain. Profites-en pour la dévergonder. Ouh, pas mon genre. Bon, je dois te laisser. Tu m'appelles à ton retour? Ça marche. Bye. Salut, Rachel. Je tenais ma conférence aujourd'hui, tu sais bien. Il est quelle heure à Shanghai ? Là, il est exactement 18h42. Et à San Francisco, il doit déjà être tard, non ? T'es pas couché ? Tamara ? Ça va ? T'as pas recommencé au moins ? Tamara, tu m'avais promis d'arrêter. J'ai des angoisses, des visions. Je sens des choses, tu sais. À chaque fois, c'est pareil. Dès que je m'en vais, tu... Et ta conférence, t'es comment? Les Chinois ont bien avalé ton boniment? Quoi? Ils te payent combien pour leur apporter la paix? Tu vas pas recommencer. Comme ton public. Mais je suis pas ton public, moi. Je crois pas un mot de toutes tes foutaises. C'est ça, ouais, c'est pire. Laisse-la piquer sa crise, que l'orage passe. C'est ça que tu penses, hein, c'est ça. Écoute, je t'appelle pas pour me faire agresser ni pour recevoir des leçons. Mais regarde-toi avec ta chemise blanche et tes cheveux bien peignés. Tu voulais redresser le monde. Tu voulais te dévouer à la beauté du monde. C'est toi-même qui as prononcé ces mots. Te dévouer à la beauté du monde. Je n'ai quand même pas rêvé. Si. C'est exactement ce que je fais, figure-toi. Mais tu refuses de le comprendre. C'est toi qui refuses de voir la réalité en face, Chris. Tu crois vraiment que c'est en transformant la Terre en une bourse géante que tu vas la sauver? C'est le seul moyen aujourd'hui. Le seul moyen. L'argent, la panacée universelle. Tamara. Car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Tu mélanges toujours tout. Oui, ben voyons, dis que je suis fou. Écoute, je suis fatigué. J'ai 8 heures de décalage horaire dans les jambes et j'ai fait une conférence de 4 heures ce matin. Alors si tu continues sur ce ton, je préfère raccrocher. C'est ça, va dormir sur tes deux oreilles, dans ton lit king size, bercé du doux ronron de ta clim. Demain, le monde ira encore plus mal, mais tu n'y es pour rien. Quel calme. À mon avis, la météo s'est trompée. La tempête ne passera pas par là. Je n'en suis pas si sûre. Nous le saurons demain. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Ce nom, Va Inanui, ça veut dire quoi? La pirogue d'Inanui. Inanui était le nom de ma grand-mère maternelle. Et ça fait longtemps que vous gérez cette pension? Depuis la mort de mon père. C'est lui qui l'avait créée. Il avait racheté cette grande bâtisse à l'abandon. Avec Raymond, je les ai vus travailler jour et nuit pour la remettre en état. Et puis les bungalows sont sortis de terre tout autour, les uns après les autres, comme des champignons. C'est moi qui les ai baptisés. Vraiment? Mon père me disait, choisis une fleur pour celui-là. Je répondais, Tiare. Et pour celui-ci, Apetai. Moi qui croyais qu'Apetai était un nom de vaïné destiné à flatter les touristes. Mais c'est aussi un prénom. Ici, on adore donner aux enfants des noms d'éléments naturels. Les fleurs, le soleil, les étoiles. J'avais à peine 30 ans quand j'ai repris la pension. Et je n'ai jamais quitté l'île. Et vos enfants, à vous? Ils veulent reprendre la succession? Mes enfants... Mon deuxième fils, Henri Moana, est parti étudier en Australie il y a 2 ans. Là-bas, il est tombé amoureux, alors il est resté. Quant à l'aîné... Ça ne l'intéresse pas? Il est mort. Noyé. Il n'avait pas 20 ans. Je suis désolé. C'était un garçon... Comment dire? Un peu fougueux. Une nuit, il a voulu aller se baigner seul dans la mer. Il avait bu. Il n'a pas pu lutter contre le courant. Comment il s'appelait? Tematai. Tematai et Hari Moana. Ce sont des noms de fleurs ou bien d'étoiles? Ni l'un ni l'autre. Tematai veut dire le vent et Hari Moana, l'eau de l'océan. C'est très beau. Je les ai appelés ainsi pour qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Je me demandais aussi, les grosses pierres qui entourent mon bungalow, c'est simplement pour décorer ou c'est une espèce de rituel? Hélas, j'ai bien peur que ce soit en train de le devenir. Ces pierres servent à protéger les constructions. Les protéger? De quoi? De l'océan. Il inonde la plage régulièrement et les vagues parfois vont jusqu'à grignoter certaines terrasses. Ça arrive souvent? De plus en plus souvent. Quand j'étais jeune, cela se produisait 1 ou 2 fois par an, pas plus. Cette année, c'est arrivé 6 fois déjà. 6 fois? Alors, avec Raymond, nous sommes allés chercher des pierres sur la colline. Et nous avons dressé ces petites barrières autour des terrasses les plus exposées. Et c'est efficace? Pour l'instant, oui. Je vais jeter un œil à mon bateau pour vérifier que tout va bien. Vous êtes vraiment sûr de vouloir partir demain? Vous ne voulez pas rester quelques jours de plus ici? Parce que cette île, vous savez, elle est unique. Je vais même vous confier un secret. Cette île, c'est l'ombilic du monde. Cette île est merveilleuse, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il existe de centre du monde. Nulle part. Si la mer m'a enseigné quelque chose... C'est bien que ce monde n'a aucun centre. Et puis d'ailleurs, je sens que la houle me manque. Je revois encore son visage s'éclairer. Ses yeux d'enfant qui s'écarquillent sous les mèches blondes indociles quand je lui annonçais qu'il viendrait avec nous. Dire que je pensais lui faire plaisir pour son anniversaire. Comment n'ai-je pas compris à ce moment-là que j'étais en train de le perdre? Comment aurais-je pu m'en douter? 8 ans. Il paraissait si fragile dans son caouet orange trop grand pour lui. Les manches lui pendouillant de chaque côté du corps. Et sa capuche qui lui retombait sur le nez. Et pourtant, il arpentait le pont plus droit qu'une statue de marbre, fixant l'océan comme si sa vie en dépendait. Cette gravité dans son regard n'était pas de son âge. D'où lui venait-elle? J'ai cru que cet amour nous scellerait. Quelle idiote j'étais. Il n'a jamais aimé l'océan du même amour que moi. Lui le vit de l'intérieur. Il le ressent, l'éprouve, comme une part de lui-même. Comme s'il en avait été exilé il y a longtemps. Est-il possible qu'il ait gardé de nos origines aquatiques un gène particulier? Un sens très archaïque, qu'il serait seul à posséder. Bêtise. Comment un être humain peut-il être si peu fait pour la vie sur Terre? J'ai consacré ma vie à la connaissance, à la tâche perpétuellement recommencée de comprendre. J'ai été incapable de comprendre mon propre fils. Comprendre, par exemple, comment cette vague-là a mis plus de 1000 ans à faire le tour de la Terre. 1000 ans. La dernière fois qu'elle est passée par la rade de Brest, c'était au Moyen-Âge. Mathias, quand reviendras-tu ? Et si je devais ne jamais te revoir ? Une nuit, le téléphone sonnerait. Une voix à l'accent indien ou espagnol me demanderait ton nom. On a retrouvé un corps, dira-t-elle, dans un mauvais anglais. Je ne comprendrai même pas. Mais je saurai que c'est toi. Je saurai que c'est toi. Mon fils. Mon Dieu. Qu'il n'existait pas, fait qu'il ne lui arrive rien. C'était La force de Coriolis, de Katel Guillou, deuxième épisode. Avec Arnaud Giovanninetti, Chris, Lara Brulle, Mayana, Robinson Stévenin, Mathias, Nathalie Villeneuve, Joël, Julie Denis, Tamara, Sophie Laure, Jing Jing, Jean-Claude Frissung, Raymond. Lise Cornier, Inanoui. Samuel Charles et Florian Goetz, des étudiants. Céline Mia Baumgartner, Chloé. Olivier Ruy Davet, Monsieur Météo. Laurent Lederer, Loïc. Catherine Tartarin, Rachel. Et Joseph Ambroselli Villeneuve, Yves Yann. Ariane Wang, Ping Chang, Olivier Chen, Kognan Yuan, Chun Liang, Jiuxia Le Flau, David For, Shi Zhong Qian, Yi Lin Yang, Lan Chu Toure, Qi Qian Xie, Alice Chang, Lucie Duver, Yakun Leroux, Tivei Liu, Rui Fang Liu, et Pauline Dubreuil. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Bruitage, Sophie Bissens, assistée de Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Michael Simon pour la documentation sonore. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Juliette Eman.